Merci pour les applaudissements. J'ai une petite chanson. Voilà, me passer par l'esprit. Alors, le titre, c'est Média Magazine. Et en route, les musiciens. Média Magazine, dans l'ombre des écrans, la pensée se dissout, la communion des âmes par l'occultisme s'efface, l'empathie s'évapore sous le joug du doute, la télépsychie murmure, la vérité se déplace, la divination des esprits par la télévision se tisse. La télétésie des cœurs par des ondes se brise. La transmission des faits dans le reportage se glisse. Mais l'esprit du téléspectateur par la publicité se grise. L'animateur a-t-il un spiritisme guide les pensées. Le documentaire, comme un miroir, reflète des demi-vérités. La chaîne de télévision, un magicien des réalités altère. Et le satellite, de loin, tisse sa toile en maître de l'univers. En maître de l'univers. Sur l'écran, les images défilent, hypnotisant. La réalité se tord dans un ballet troublant. La réalité se tord. Les médias en chant, la conscience en fuite. Dans le divertissement, l'esprit s'invite. Oh, manipulation, douce illusion. Dans la danse des fréquences, perdons la raison. Audiovisuel, séducteur éternel, corrompt nos esprits dans un éclat artificiel. Dans la communion des regards, l'émission s'infiltre. La divination des désirs, le satellite en arbitre. Empathie oubliée dans l'occultisme des ondes. L'esprit s'évade tandis que le cœur gronde. Manipulation, douce illusion, dans la danse des fréquences, perdant la raison. Audiovisuel, séducteur éternel, corrompt nos esprits dans un éclat artificiel. Aïe! C'était Média Magazine.